fi ifadatan mustafid, l'auteur du commentaire. Maintenant, on va prendre le commentaire des savants. On va commencer donc à développer ça et on va parler du shirk fi at-ta'til. Qala. On a une très belle faïda de l'auteur de ifadatan mustafid. Qala. وهذا الشرك في الألوهية كثير منهم يشركون في توحيد الألوهية ويخلصون في توحيد الربوبية وهذا دين المشركين وهذا من الأسف في عقائد المتكلمين الآن ويقررون التوحيد الربوبية. Comme on a dit précédemment, donc on a beaucoup même de tendances dans notre communauté qui, par exemple, pour ça, on a parlé des trois catégories d'unicité très importantes, la seigneurie et de l'adoration. Pourquoi ? Parce que beaucoup de tendances dans notre communauté, eux croient et affirment l'unicité de la seigneurie, mais leur problème, le khalel qu'ils ont, est lié au tawhid de l'adoration. Ils peuvent assigner, attribuer des associés d'Allah Azza wa Jal dans le domaine de l'adoration, malgré leur croyance en la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Parce que beaucoup de savants, lié à une science qui s'appelle la dialectique, eux considèrent que le shirk se fait dans le domaine de la seigneurie. Et donc, eux, ils affirment la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, mais ont une mauvaise croyance concernant l'unicité de la seigneurie. Et ensuite, ça s'est propagé dans le monde musulman. Cette pensée-là s'est propagée dans le monde musulman. Et donc, pour eux, le shirk, en quelque sorte, الشرك هو أن تعتقد أن هناك خالقا يخلق مع الله عز وجل. Pour les savants qu'on appelle ilm al-kalam, de la science de la spéculation et de la rhétorique, dans leur explication de la shahada, ils considèrent que le shirk c'est quoi ? Le shirk ça serait de dire qu'il y a un autre créateur de cet univers avec Allah, d'attribuer un autre créateur. Pour eux ça c'est le shirk. Pourquoi ? Parce que le shirk, eux, est lié à la seigneurie. Et donc, ils ont négligé le domaine de l'adoration. Le domaine de l'adoration. Donc, pour eux, le polythéisme serait, et ça c'est dans beaucoup de livres, et ça s'est propagé dans le monde musulman à une certaine époque, et donc pour eux, affirmer qu'il y a un autre qui administre cet univers avec Allah, qui donne existence, qui a créé l'univers, qui serait maître de cet univers, de ces mondes, ça c'est shirk. Mais le domaine de l'adoration n'est pas lié. Alors, فَيُسَمُّونَ بِغَيْرِ إِسْمِ وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ وَعَلَيْنَا أَنَّتَنَبَّهِ. C'est pour ça que les savants disent, pour ça il faut être attentif, pour avoir une bonne compréhension de la religion. Et donc, eux, ils considèrent qu'on peut se rapprocher, par exemple, d'Allah Azzawajal par l'intermédiaire de prophètes et de messagers, en les invoquant. Ou par l'intermédiaire d'anges. Ou par l'intermédiaire de saints et vertueux qui sont défunts, qui sont décédés, qui sont enterrés dans leur tombe. C'est pour ça qu'ils s'adonnent à l'adoration des tombeaux auprès d'eux. Et ils érigent des mausolées et ils adorent. Et ils adorent ce qu'ils appellent Al-Awliya. Et ils disent, tant qu'on n'a pas une conviction que ces Awliya ont une part de création avec Allah et de gérance de cet univers, on peut, alors ils disent, vouer des adorations comme le sacrifice, des invocations, ce n'est pas du polythéisme, tant qu'il n'y a pas de conviction. Et ça, c'est une profonde erreur. Pourquoi ? Parce que même Quraysh, comme on l'a dit précédemment, croyait en cela et affirmait cela. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu au peuple de la Mecque, à l'époque, c'était l'époque qu'on appelle pré-islamique, l'époque de l'Jahiliya, eux croyaient en Allah, azza wa jal. Comme c'est prouvé, on l'avait déjà expliqué dans, maintes fois dans, des assises précédentes. Mais ils adoraient à la Mecque, à l'époque, on avait dit, il y avait des idoles, et des faux dieux, et des divinités qu'ils adoraient. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a appelés à l'adoration d'un Seigneur unique. Mais eux, à la base, croyaient en Allah, azza wa jal. Ils savaient que ce n'était pas leur fausse divinité qui avait créé cet univers. Ils savaient que le créateur, eux pour eux, les polythéistes arabes de l'époque, dans la péninsule arabique, pour eux, ils croyaient que le créateur de cet univers était Allah Azza wa Jal. Ils n'ont jamais dit que Lat, Wal Uzza, Wa Hubal avaient créé cet univers. Sauf qu'il disait, ces idoles-là, ces fausses divinités, il les prenait comme intermédiaires. مَا نَعْبُدَهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Allah le dit dans le Coran. Nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal, زُلْفَى, d'un rapprochement immense. Donc il les prenait en quelque sorte comme intermédiaires. Et ensuite, même plus tard avec les siècles, après l'avènement de l'islam, beaucoup de musulmans aussi sont tombés dans ces ambiguïtés. Alors ils adorent et voient adoration autre qu'Allah en disant, on les adore pas directement, mais comme ils ont une place et un rang immense auprès d'Allah, on les prend comme intermédiaires. Et pourquoi je vous fais ce rappel? Parce que ensuite, l'auteur de Ifadat al-Mustafid, regardez, il va dire une très belle parole. Il dit, c'est pour cela que, pour remédier à cela, pour que les musulmans reviennent à une bonne croyance, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour remédier à cela? Du fait que certains musulmans peuvent avoir une mauvaise compréhension sur cela. Et regardez ce qu'il dit. Il dit نعالج هذا الأمر بالحكمة وعلم ومجادلة بالتي أحسن. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit on doit remédier à cela avec sagesse, savoir et المجادلة بالتي أحسن. Et le débat, mais le beau débat avec un beau style, sagesse, bonté. Et douceur. Billati yahsan. Et regardez, donc il dit, on doit remédier à cela, c'est-à-dire enseigner avec bonté, avec douceur. Et donc il faut, aussi bien, il dit ici trois mots. On peut résumer en gardant les trois mots. Il dit, il faut hikma, wa ilm, wa mujadala billati yahsan. On doit se doter de cela. Pourquoi? Parce que nous, on aime pour les autres le bien. Comment on peut faire accepter ce bien? Avec la hikma. C'est pour cela que, regardez ce qu'il va dire. Il va dire, لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَهْدِي مِنْهُمْ مَنْ يَشَاءَ هِدَايَتَهُ. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Et peut-être que Allah ensuite guidera qui il veut vers sa guidée. Subhanahu wa ta'ala. وَلَا نَتَرُكُهُمْ وَنَيْأَسْ مِنْهُمْ. Et ne pas laisser certains musulmans qui ont des mauvaises compréhensions et en désespérant. Avec un discours fataliste. Il y en a qui ont des discours fatalistes. En désespérant. Mais toujours avoir de l'espoir. Hum fi zimmatina. Qala ta'ala wa anzir ashirataka al-aqrabin. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal disait même au prophète, et appelle tes proches, appelle-les. Et dans un autre verset, Allah, regardez qu'est-ce qu'il dit dans le verset 122 dans la sourate At-Tawbah, li yatafaqahu fi d-din. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Regardez lorsque Allah Azza wa Jal dans un verset il dit qu'une partie d'entre vous s'en aille apprendre, s'en aille étudier. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Dans un verset Allah Azza wa Jal, vous pourrez vous référer et revenir lorsque vous serez chez vous au verset 122. Le verset 122 de la Surah At-Tawbah. Allah s'adresse à une partie des croyants et dit qu'une partie des croyants iront apprendre. Apprendre la science et le savoir. Mais ensuite, لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ. Et ils reviendront pour avertir leur peuple, pour apprendre, enseigner à leur peuple. قَالَ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Et peut-être ensuite que leur peuple sera prudent. وَهَذِي فَائِدَةٌ أَنَّ الْإِنسَانِ يَطْلُبَ الْعِلْمُ وَيَتَفَقَّهُ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَفَائِدَةُ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Et regardez, l'auteur, le cheikh, il nous dit, c'est pour ça que le bienfait d'aller apprendre la science, c'est de revenir et d'enseigner. Certains savants, ils appellent ça zakat al-ilm. C'est la zakat du savoir. Si tu as appris, tu dois donner la zakat. C'est une sorte de, je vais pas dire métaphore ou comparaison, une sorte de parabole. Ici, tu as appris, tu dois donner ta zakat, c'est-à-dire l'enseigner ce savoir-là. Et donc, c'est pour ça que même dans le Coran, Allah Azza wa Jal le dit et demande et dit commande à des croyants, une partie d'entre eux, de partir apprendre le savoir bénéfique et de revenir ensuite et d'enseigner à leur peuple. D'enseigner à leur peuple le savoir bénéfique. Mais quel est le style et le comportement que doit adopter celui-ci? La sagesse, la douceur, la bonté. Mais il doit enseigner. Et il dit donc, c'est ça le fruit d'aller apprendre le savoir, d'aller enseigner. Donc le bienfait de ce savoir qu'il a appris, c'est d'appeler ensuite les autres vers Allah. Et après que lui, il ait connu la guidée, il a clarifié cette guidée aux autres. Mais après que lui, déjà, premièrement, il l'ait connu pour soi-même. Déjà lui, il l'a connu. Et ensuite, il peut l'enseigner. Et il essaye d'être une cause pour la guider des autres. Puisque lui aime la guider et aime que les autres soient guidés. Et donc lui, il veut que les autres soient guidés. Donc il va faire les efforts. Et pour cela, dans un hadith, le prophète Ansem nous dit: Man da'a ila huda, kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu min ujurihim shay. Celui, le prophète Ansem nous dit dans un immense hadith qui est rapporté dans l'authentique de l'imam musulman, il nous dit: Celui qui appelle al-huda, à une guidée, celui qui appelle à une guidée, aura la même récompense de celui qui va la suivre sans diminuer de sa récompense. Sans diminuer de sa récompense. Kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim shay. Si vous êtes la cause de la guidée d'une personne, vous avez votre récompense à vous, de votre guidée à vous, et la récompense de cette autre personne, sans diminuer de sa récompense à lui. La récompense, elle est immensément grande. Et c'est pour ça que dans un autre récit, le prophète, sans un jour, s'est adressé à un compagnon, lui a dit: Fa wallahi, la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khayrun laka min humri an'am. Le prophète, un jour, a dit à un compagnon, et il avait dit cela à Ali ibn Abi Talib: Par Allah, ne serait-ce le fait qu'Allah azzawajal guide par ton biais, ne serait-ce un seul homme, c'est mieux pour toi que les chameaux rouges. Une traduction littérale. Les chameaux rouges, à l'époque, c'était la plus grande richesse qu'avaient les Arabes. À l'époque, c'était vraiment une grande richesse. Tfadl. اللهم رب هذه دعوة التام والصلاة القائمة محمد أن الوسيلة والفضل بعث محمد. إذا نواصل. قال الشيخ وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي ابن أبي طالب فوالله لا أن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم الحديث وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أخرجه الإمام البخاري فالمطلوب أن يحاول الإنسان هداية الناس مهما كلفه ذلك لأنه في سبيل الله ولكن لا يعنف على الناس ويقابلهم بالقسوة أو بالقسوة. Et donc c'est pour ça que l'auteur ici, il dit, c'est pour ça que ce qui est demandé, c'est que la personne veuille du bien pour les autres, et donc d'être une cause de guider pour les autres, et qu'il essaye, qu'il fasse les efforts pour être une cause de guider pour les autres. Même kallafahu dhalik. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la voie de son créateur, subhanahu wa ta'ala. Mais regardez ce que va dire Cheikh ici. Il dit, par contre, regardez ce qu'il dit. Il ne faut pas que lorsqu'il enseigne le bien, il le fasse avec un style sévère, rude, qui soit violent. Comme disent les grands saints, on n'est pas dans une époque de unf. Et le musulman n'appelle pas de cette manière. Allah, dans le Coran, dit « Billati ya ahsan » de débattre par de la meilleure des manières, avec bienfaisance. Que cela se fasse à bienfaisance. C'est pour ça qu'il dit la personne ne doit pas, lorsqu'il enseigne, utiliser un style dur, sévère. Pourquoi ? Parce qu'en échange, il trouvera de la dureté face à lui aussi. C'est pour ça que Allah Azzawajal nous appelle à faire preuve de sagesse. Et donc l'auteur a cité trois choses. Lorsqu'on veut enseigner le bien, trois choses. Il faut juste retenir les trois termes. Il a cité hikmah, la hikmah, ou ilm, ou al-mujadala billati ahsan. Hikmah, ilm, mujadala, billati et ahsan. Les trois choses. Si la personne qui enseigne le bien utilise l'inverse, la dureté, la sévérité, il est rude à travers ses paroles, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent même pas tendre l'oreille. Et même parfois, même au sein de notre famille, il y a beaucoup qui utilisent de la dureté. Parfois, on le voit à la mosquée. Fille, bouillotille là, dans les mosquées. On voit que parfois, certains veulent nous conseiller et il n'y a pas de, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de sagesse, c'est rude, c'est dur, les propos entre nous sont durs. Alors que Allah Azza wa Jalla dit, وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. En plus, il s'adresse à une autre communauté, au prophète. جَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et débat avec eux, avec bienfaisance. Lorsque Allah Azza wa Jalla a envoyé Moussa alayhi salam et son frère, Haroun, il les a envoyés vers le plus grand tyran, l'un des plus grands tyrans qui ait connu la terre, Pharaon. Et Allah Azza wa Jalla a dit à Moussa et Haroun d'aller vers Pharaon, وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Et il dit à Moussa et Haroun d'aller vers Pharaon avec une parole douce. Une parole douce, لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Peut-être qu'il se rappellera et fera preuve de crainte. Traduction littérale du verset. Ça, c'est Pharaon. Celui qui disait « Ana rabbukumul a'la ». Celui qui disait pourtant « Je suis certes votre Seigneur le plus élevé ». Il se revendiquait Seigneur. Imaginez-vous l'injustice. Imaginez-vous, il s'est élevé au rang d'Allah Azza wa Jal. Malgré cela, Allah Azza wa Jal dit à Moussa et à son frère Haroun d'aller vers lui et de lui dire une parole douce. Une parole douce. Alors, est-ce que c'était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Toutes ces rébellions et ces insurrections qui se sont passées dans certains pays. De juger les responsables de certains pays, les autorités, de tout, et de ne pas conseiller. Est-ce qu'ils étaient pires que Pharaon ? Est-ce qu'eux aussi n'avaient pas droit à une parole douce ? C'est ce que disent les savants. Alors le musulman, c'est comme ça. Le musulman, laissa bita'an, wala la'an, comme le dit le prophète. Le musulman, c'est pas quelqu'un qui insulte, qui injure, c'est pas quelqu'un qui maudit les autres. Le musulman, il vient avec la parole douce. Il enseigne avec douceur. Regardez, c'est les propos du shir. Hada kalam al-ulama. Alors certains attribuent des choses à des savants. Je sais pas où qu'ils les lisent. Je ne sais pas dans quel livre ils lisent. On entend parfois tel cheikh a dit telle chose, tel cheikh a dit telle chose, les savants disent telle... Je ne sais pas d'où qu'ils tirent les choses. Mais vous savez, même lorsqu'on est en contradiction avec quelqu'un, ou on ne partage pas les mêmes idées de quelqu'un, le croyant se doit d'être juste. Le croyant se doit d'être juste dans ce qu'il attribue comme parole à autrui. On doit être juste. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Alors, d'une traduction relative du verset, et que votre aversion pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, c'est plus proche de la piété. On doit toujours être juste. Mais regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit أَنْ نُعَالِجَ هَذَا الْأَمْرَ بِحِكْمَةٍ وَعِلْمٍ وَمُجَادَلَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. هَذَا كَلَامُ الْعُلَمَاء. ثُمَّ قَالَ وَلَا يُنَفِّرُ النَّاسَ. Et dit ne pas faire fuir les autres. قَالَ أُدْعُو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et il cite le verset où Allah Azzawajal nous dit « Appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse, avec le bon sermon, avec le bon rappel. « وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. بَشِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا يَسِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا. » Dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Annoncez la bonne nouvelle et ne compliquez pas les choses. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Yassiru et facilitez wala tunafiru et ne faites pas fuir. » Ça, c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'un grand savant contemporain disait une très belle parole. Il disait anna hadi da'wa wasafa hadi da'wa bi annaha thaqilatun 'ala an-nufus fala tuthqiluha bi su'il mu'amalat. Un grand savant contemporain disait cet appel là, c'est une darwa qui peut être thaqil à la nufus. C'est un appel parfois qui peut être lourd pour les âmes. Et dit, فَلَا تُثَقِّلُوهَا بِسُوءِ الْمُعَامَلَاتِ. Et ne la compliquez pas encore plus, ne la rendez pas encore plus lourde avec un mauvais relationnel. Alors, dans notre religion, à travers les textes du Coran et de la Sunna, on a tout pour apprendre à être bon. On a tout pour apprendre à être bon. Donc le prophète Sam nous a enseigné al-lin wal-rifq, la douceur, la bienséance, la bonté, que ce soit dans notre foyer, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à la mosquée, que ce soit avec ses proches. C'est ça le comportement de l'islam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.